Vas-y, écoute-moi ce putain de bon son qui va te péter les sillons, interdit aux bouffons. Ah ouais, c'est pas pour les gros cons, lâche le bidon en frisson. T'es bien à l'écoute, mais on en a rien à foutre de ce que tu peux penser. On veut juste initier une nouvelle façon d'exprimer, parler, chanter, débiter sans trop complexe et être à l'aise en studio comme sur une falaise. Le rap ça vient de l'intérieur, tout ce que tu peux dire vient du cœur. Tu es avec amour, tu peux même être sourd, mais le rap t'atteindra toujours. Ces paroles écrites, faites-moi ici une lueur dans mes yeux, la même qui brille dans les leurs, car rapper est synonyme de bonheur pour eux. Mais c'est ce que je retranscris dans mes écrits. Vas-y, écoute-moi ce putain de bon son qui va te péter les sillons, interdit aux bouffons. Ouais, ouais, c'est pas pour les gros cons, lâche le bidon en frisson.